Cette loi sur la transparence de l'administration va certainement changer complètement une certaine philosophie de l'État, puisque elle va faire disparaître ce qui était jusqu'à maintenant le principe en matière de communication, c'est-à-dire le principe du secret, ou plutôt le principe que l'information est strictement le fait du prince. Les autorités décident combien, de quelle manière et quand elles vont informer. Et le citoyen, lui, n'a aucun droit de regard. Alors, le 1er juillet, toute cette perspective, le principe dit du secret, va être remplacé. C'est ce qu'on appelle un peu, de manière un peu sophistiquée, un renversement de paradigme. On va entrer dans l'ère de la transparence. Autrement dit, par principe, tous les documents qui sont aux mains des autorités administratives fédérales seront accessibles au public. Et donc, ce qu'on appelle un principe de publicité des actes de l'administration. Ça, c'est le principe. Je ne crois pas qu'il faut tout de suite se réjouir en se disant que tout va devenir automatiquement public.